shirt sock. Love flip. Okay, okay. Yeah, yeah. Soda bad, j'ai l'âne patasa. Ça mange à la radio, c'est plus le bac à sable. J'suis pas ta star, même si t'étais des stars. Mais c'est dégueulasse, tu pars dans l'universal. Tu veux percer universal, t'as même pas niveau stable. Tu veux remplir les stages dans la foule instable. Tu kiffes à taille, tu seras ce paillette à table. 30 ans, j'ai déjà bouffé ton plat. J'dirais pas à ton bas. Wallace, lazy, veux les combats. Tu voulais le combat, t'es perdu, tu n'as devant toi. T'es les rixes compact, tri contact, trap dans black white. Mais tu dis quoi là? Putain, mais si tu crois là, torse nu sur ton 3K, ça gangster à tes histoires. Mec, la drogue a pris en prise sur toi, personne prie pour toi. Truc empiré, tu demandes pourquoi la vie est sournoise. Shoot again, ODT, shit ta gueule, yeah. Shit ta gueule, illicite. Serré, célébration, fait les fédérations, serré, scélération, serré, n'a faut serré, bralé, son cérémonial, son corps jusqu'à la corde, cynique, sans dépolier les stupides, des forts car subit et la mort dans les rapports d'or, physique, le rap sport, d'homme d'équipe, contre des tonnes de types pour péter le score, sous les spots, but de toutes couleurs d'or, pépite, nouvelle et triste, sort pour tous ceux qui disent que je dors, fous la disque, dans nos disques, on pourra un triple disque d'or.